Est-ce un retour au bercail ? La France, selon le désir de Nicolas Sarkozy, a donc regagné le commandement intégré de l'Alliance Atlantique 43 ans après la décision du général de Gaulle de s'en éloigner. Une décision qui n'était d'ailleurs pas un réel divorce, mais exprimait simplement la volonté du président français d'afficher l'indépendance de notre pays en matière de défense, sans toutefois remettre en cause nos alliances traditionnelles. Si M. X revient sur cette affaire, c'est qu'elle illustre clairement l'ambiguïté des rapports que la France a toujours entretenus avec les États-Unis. Un mélange de cordialité et de méfiance, d'amitié et de soupçon, traversé régulièrement par des crises, la dernière étant celle ouverte par la décision de Paris de ne pas participer à la guerre en Irak. Dans les années 60, c'est la question de l'OTAN qui fait débat. Washington ne se fait guère d'illusions. Dès le retour au pouvoir du général, on sait à Washington que le président français sera un allié incommode. Mais osera-t-il pour autant rebattre toutes les cartes et par exemple se rapprocher de l'URSS? C'est dire que la Maison-Blanche suit l'affaire avec attention. La Maison-Blanche qui dispose au plus haut niveau de notre diplomatie d'une taupe qui l'informe semaine après semaine. Trahison d'un haut fonctionnaire pro-américain ou plus prosaïquement, volonté d'un diplomate atlantiste d'empêcher la catastrophe que serait pour lui la rupture avec les États-Unis. Monsieur X décrypte ce curieux épisode. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear guitars play. It was very nice. Oh, honey, it was paradise. De Gaulle, dès qu'il revient au pouvoir, ne fait pas mystère de son peu d'enthousiasme pour l'OTAN. Oui, parce que d'abord, ce sont les dirigeants de la 4e République qui ont signé le traité de l'Atlantique Nord. Hein. Il y a certainement de cela, mais pas seulement. Pour lui, l'OTAN est une sorte de carcan qui emprisonne nos capacités militaires. Et en septembre 1958, il envoie un mémorandum à Washington et à Londres. Et il prévient... L'OTAN ne correspond plus aux nécessités de notre défense. Ben voilà qui a le mérite d'être clair. En effet. Hein. Et par petite touche, Paris exprime sa volonté de se mettre à l'écart. En 1959, la flotte française de Méditerranée est retirée du commandement intégré de l'OTAN. Il en va de même en 1962 pour les troupes qui quittent l'Algérie et ne sont pas mises au service de l'Alliance. suite à une période où nos relations avec les États-Unis sont souvent houleuses. Toujours à cause de l'OTAN ? Non, non, la question de l'OTAN viendra après. En fait, la principale difficulté tient au nucléaire, le nucléaire militaire. Oui, la France, rappelons, fait exploser sa première bombe A en 1960. Hein. Et déjà, les Américains ne négligent aucun effort pour essayer d'en savoir plus sur la technologie qui a été utilisée. Ouais, vous voulez parler d'espionnage, hein. Ah, bien entendu. Et des avions espions sont chargés de recueillir des poussières radioactives après les essais en plein air effectués au Sahara. Bon, après tout, c'est de bonne guerre, même entre alliés. Et on en reparlera. Cependant, cette première bombinette A ne satisfait pas encore le général. Oui, il voudrait la bombe H. Hein. Et une bombe thermonucléaire, oui. Et la France voudrait être placée sur le même pied que les Britanniques qui bénéficient de la coopération états-unienne pour construire leur bombe H. Mais le général de Gaulle se heurte à un cinglant refus du président Kennedy. Ouais. Kennedy qui a peur de la prolifération nucléaire. Hein. En principe, oui. Ouais. Et Kennedy avance un argument malheureux pour justifier cette fin de non-recevoir. Il dit en substance à de Gaulle, « Si je vous aide à construire votre bombe, il faudra aussi que je donne un coup de main aux Allemands. » Or, étant donné leur passé, c'est impossible. Et pourquoi cet argument est si malheureux, alors ? Parce que de Gaulle ne supporte pas que la France soit rangée au même niveau que l'Allemagne. Ah oui, d'accord. Oui, d'autre part, le président français ne veut pas entendre parler de la création d'une force multilatérale, car il veut garder la maîtrise de nos armées et de l'éventuelle utilisation de l'arme atomique. En outre, il y a chez lui la volonté de ne pas être entraîné dans les aventures militaires des États-Unis. Le Vietnam ? Naturellement. S'ajoutera aussi à ces querelles purement militaires un grave différend monétaire. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais de Gaulle voudrait remettre en cause les accords conclus après-guerre à Bretton Woods. Ouais, des accords qui consacraient la suprématie du dollar, hein, monnaie internationale de référence. Ouais, ouais. Pourtant, lorsque la crise des fusées de Cuba éclate en 1962, la France se range clairement aux côtés des États-Unis. Hein. Et immédiatement. De Gaulle se conduit alors comme le meilleur allié de l'Amérique en approuvant le blocus de Cuba. Mais ce rabibochage ne durera guère. Pourtant, on a alors raté de peu une véritable réconciliation. Bah, racontez. Je ne sais pas s'il y a eu marchandage, mais Kennedy a été incontestablement sensible à cette preuve de fidélité donnée par la France. Il a envoyé à Paris un de ses missi dominici, le diplomate Dean Acheson. Un ancien secrétaire d'État. Hein. Sous Truman, oui. Ouais. Mais là encore, le président états-unien a gaffé. Parce que ce diplomate était très hostile à De Gaulle. Et lors de sa visite à l'Élysée, il a purement et simplement omis de transmettre une proposition de Kennedy qui, pour récompenser la France, était prêt à assouplir son attitude en matière de coopération nucléaire. Alors, quoi ? C'est un oubli volontaire ? Et une occasion manquée, oui. Mais plus profondément, c'est une question théorique qui oppose les deux pays. Celle de la stratégie à adopter pour défendre l'Europe. Il faut m'expliquer, là. En cas d'agression soviétique sur le sol européen, les Américains prônent une réponse graduée et adaptée aux moyens utilisés par l'adversaire. Pour De Gaulle, au contraire, la réponse doit être immédiate et nucléaire. La dissuasion. Et comme il sait que les États-Unis n'utiliseront leur arsenal nucléaire que pour se défendre s'ils sont attaqués chez eux... Mais pas en Europe. Il faut donc au plus vite que la France dispose d'une force de frappe fiable, capable de dissuader les Soviétiques de toute tentative d'agression. Vous voyez donc que le différend est sérieux et ne tient pas seulement à l'anti-américanisme supposé du général. Oui, ce dont ses adversaires politiques l'ont toujours accusé. Hein. Bon, des critiques qui iront crescendo au fur et à mesure que le fossé se creusera. Oui. Et effectivement, ça ne s'arrange guère, car on assiste à toute une série de rendez-vous manqués. Au cours de l'année 1963, par exemple, John Fitzgerald Kennedy invite son homologue français. De Gaulle accepte. Mais pas avant 1964. Et entre-temps, Kennedy est assassiné. De Gaulle, vous vous en souvenez sans doute, fait alors le voyage de Washington pour assister aux funérailles. Et à l'occasion, il rencontre très brièvement le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson. Johnson qui, en 1964, reprend à son compte l'invitation transmise à De Gaulle par son prédécesseur. Mais le général, enfin pardonnez-moi l'expression, fait sa coquette. Moi, je viens de faire le voyage, maintenant c'est à vous de vous déplacer. Et finalement, les deux hommes ne se rencontreront jamais. Et je crois qu'il faudra attendre l'entrée à la Maison-Blanche de Richard Nixon pour qu'un contact direct soit établi entre le président français et l'hôte de la Maison-Blanche. Hein. En 1969, oui. Mm. Et ça se passera plutôt bien entre les deux hommes. De Gaulle appréciait Nixon. C'est exact. Et il le recevra très chaleureusement à Paris en février 1969. Mais enfin, revenons à la dégradation progressive des rapports franco-américains. Au mois d'avril 1964, les officiers français quittent les états-majors navals alliés. Nouveau retrait. Et très ostensiblement, de Gaulle choisit de ne pas assister au 20e anniversaire du débarquement en Normandie. Pourtant, 2000 vétérans états-uniens avaient fait le déplacement. En revanche, deux mois plus tard, il célèbre l'anniversaire du débarquement en Provence. Alors pourquoi l'un et pas l'autre ? Parce qu'en Provence, parmi les troupes qui ont débarqué, il y avait beaucoup plus de soldats français. Et les observateurs présents notent que dans son discours, le général omet de parler du rôle primordial des forces anglo-saxonnes dans la victoire. Oui, c'est pas innocent. Bien entendu. Dans la posture gaulliste, le symbole est toujours important. Un peu plus tard, Paris fera discrètement savoir à Washington que les effectifs d'agents de la CIA présents en France semblent pléthoriques. Des agents qui sont souvent anti-gaullistes. La CIA hostile à De Gaulle, ce n'est pas nouveau. Hein. Effectivement, il ne faut pas oublier que les généraux putschistes d'Alger ont bénéficié de la sympathie active d'agents américains. En tout cas, ces agents de la CIA, trop nombreux à Paris, agacent. D'autant qu'ils ont des contacts suivis avec des responsables de l'opposition. Et à propos d'espionnage, il y aura même un incident très sérieux en 1965. Quoi ? Un avion militaire américain basé en Allemagne est intercepté alors qu'il survole les photographies des installations nucléaires de Pierre Latte. Et là où on fabrique le combustible de nos bombes atomiques. Entre autres, oui. Donc, Paris proteste. Mais je suis certain qu'à l'Élysée, on ne doit pas être tout à fait fâché. Oui, c'est un excellent prétexte pour préparer la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Hein. Je le crois, car les signes se multiplient. Début 1965, De Gaulle a suggéré qu'on réfléchisse à l'élaboration d'un nouveau projet de traité franco-américain. Donc un traité qui remplacerait l'OTAN. C'est ce à quoi pense le général. Et pour montrer sa détermination, il interdit la construction d'un nouveau bâtiment à Roquencourt, dans l'enceinte du CHEP, le quartier général des forces américaines en Europe. Enfin, en septembre de la même année, De Gaulle enfonce le clou et déclare que la France est décidée à mettre fin à l'intégration de ses forces dans l'organisation atlantique. Intégration qu'il qualifie au passage de subordination. Ah oui, subordination. Mmh. Donc à Washington, on ne doit donc guère se bercer d'illusions. D'autant que l'administration états-unienne n'ignore rien des dessins français. Grâce à une taupe qui l'informe régulièrement et très précisément. Monsieur X a évoqué ce curieux pas de deux entre De Gaulle et Johnson au sujet d'une possible rencontre. Dans son ouvrage « L'Amérique contre De Gaulle », Vincent Jevers écrit ceci. Aucun des deux chefs d'État n'a cédé. Six mois plus tard, la rencontre n'aura toujours pas eu lieu. Aucun coup de fil non plus. Pendant ce temps, la tension entre Paris et Washington n'a cessé de croître. Reconnaissance de la Chine communiste, discours sur la neutralisation du Vietnam, voyage au Mexique, De Gaulle a braqué chaque jour davantage le nouveau président américain. Plus anti-gaulliste que jamais, la CIA a jeté de l'huile sur le feu. Ainsi, en mars 1964, Richard Helms, le numéro 2 de l'agence, a rédigé à l'attention de Johnson une note très dure contre le général. Des informateurs rapportent que De Gaulle a dit en privé que la France est violemment opposée à l'impérialisme américain éhonté qui progresse dans le monde. La France continuera, a-t-il dit, d'attaquer et de s'opposer aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Quelques semaines plus tard, Helms a fait part à la Maison-Blanche des révélations d'une source française proche de l'Élysée. Selon cet informateur, le général aurait l'intention de prendre bientôt une initiative drastique contre l'OTAN. S'agit-il de cette taupe évoquée par M. X ? Le livre de Jauvert a été publié par Le Seuil. plutôt qui est-ce ? Ou plutôt qui était-ce ? Car l'homme est décédé depuis plus d'une dizaine d'années. Bah, écoutez, j'hésite à vous donner son nom parce que je veux respecter sa famille. Et même si je pense qu'il n'a pas le profil d'un espion traditionnel et qu'il a peut-être agi par conviction, bah, je ne me sens pas en droit de divulguer son identité. Mais ce que je vous dis là est un peu hypocrite, car certains de vos confrères n'ont pas eu la même pudeur. Ah ouais, donc si je le désire, je pourrais sans difficulté trouver ce nom. Exactement. Mmh. Alors pour la clarté de ce récit, appelons-le simplement Monsieur Deux. Monsieur de... Une particule, donc. Oui, mais vous savez, au Quai d'Orsay, la particule est assez banale. Oui. Sachez aussi que cet important diplomate a commencé sa carrière sous l'Occupation et qu'il l'a brillamment poursuivi sous la 4e République. Ouais, c'est-à-dire à une époque où il était de bon ton d'être atlantiste. Hein. Et ça lui a permis d'occuper quelque temps un poste à Washington. Et quand il revient à Paris, là ? Monsieur Deux est nommé à un poste stratégique du ministère des Affaires étrangères. Il est chargé du service des pactes et des affaires atomiques et spatiales. Il a donc la haute main, hein, surtout les traités signés par la France. Et il est chargé de les mettre en musique après accord avec son ministre. Le ministre, c'est alors Maurice Couve de Murville. Hein. Les deux hommes travaillent régulièrement ensemble. Mmh. Le traité de l'Atlantique Nord fait donc partie de son précaré. Bien sûr. Mmh. Alors, si vous le voulez bien, je reviendrai sur les motivations de cet homme et les raisons de ce qu'il faut bien appeler une trahison. Mais auparavant, il faut voir dans le détail ce qu'a été son travail de tout. Je vous écoute alors. Une précision d'abord. La nature même de sa fonction au Quai d'Orsay permet à Monsieur Deux de fréquenter la crème des diplomates en poste à Paris. Donc, pas d'entrevue secrète, de boîte aux lettres morte comme dans toutes les affaires d'espionnage. Notre homme peut se rendre à l'ambassade américaine sans éveiller de soupçons. D'accord, mais quand peut-on dater le début de sa collaboration active avec les services états-uniens ? Ça commence en juin 1964. Mmh. Par conséquent, après l'absence remarquée du président français aux célébrations du 20e anniversaire du débarquement. Et on ne peut pas exclure que la décision du général ait profondément heurté les sentiments très pro-américains de M. Deux. À cette date, donc, le diplomate fait passer un message à ses interlocuteurs habituels de l'ambassade américaine. Il a appris que de Gaulle préparait une initiative hostile à l'OTAN. Mais il n'en sait pas plus. Il ajoute quand même que l'anti-américanisme du général ne cesse de progresser. En transmettant ce genre d'informations aux Américains, a-t-il le sentiment de commettre une faute ? En tout cas, il sait qu'il prend des risques. Il demande donc à ses interlocuteurs de rester rigoureusement discrets. Ouais, peut-être n'a-t-il pas la conscience tranquille. Hein ? C'est tout à fait possible. Alors, la suite. Très peu de temps après cette première communication, le général donne une conférence de presse. Mais pas un mot sur l'OTAN. Les Américains peuvent donc penser que votre Monsieur Deux, là, s'est fichu d'eux. Pas tout à fait, quand même. Parce que de Gaulle n'a pas manqué d'indiquer qu'il existait entre la France et les États-Unis de profondes différences d'appréciation. Ah voilà, une formule fort diplomatique. N'est-ce pas ? À la fin de cette année, 1964, la taupe du Quai d'Orsay transmet à ses correspondants des informations sur le prochain Conseil de défense qui doit se tenir à l'Élysée. Il sera question de l'OTAN et de Gaulle annoncera son intention de casser le projet de force multilatérale. Il faut d'ailleurs observer qu'à peu près au même moment, le président français, recevant l'ambassadeur états-unien, estime que la menace soviétique a diminué. Il convient donc de dialoguer. Traduction immédiate de la Maison-Blanche, de Gaulle veut se rapprocher de l'URSS. Ouais, ça, c'est la grande crainte de Washington. Et ça vient de loin. De la formation du premier gouvernement du général à la Libération, où il y avait des ministres communistes. Il faut aussi se rappeler que la CIA a toujours été persuadée qu'il y avait un espion de l'Est à l'Élysée. Quoi qu'il en soit, les nouveaux messages transmis par M. Deux accréditent l'idée que de Gaulle prépare quelque chose. À propos de l'OTAN, hein ? Oui, oui, le mot d'ordre élyséen, c'est plus que jamais d'indépendance. Et le général Aguirre, chef de l'état-major, et l'un des pères de la bombe atomique française, l'a confié sans embâge au ministre des Armées. Les forces françaises ne doivent plus participer à des exercices de l'OTAN qui ne correspondent plus à la conception stratégique de la France. Oui, parce que ces exercices militaires ne sont destinés qu'à contrer la menace soviétique. Or, la nouvelle stratégie défendue par Aguirre sera défense tous azimuts. Ce qui horripilera Washington. On est maintenant en 1965. Monsieur Deux a été chargé de rédiger des brouillons de traités susceptibles de se substituer aux textes existants. Oui, le traité de l'OTAN, quoi. Et il en informe aussitôt les Américains. Mais il met un bémol. Fin 65 doit avoir lieu l'élection présidentielle. Et de Gaulle ne fera rien avant. Ah ben c'est logique, là. Mais ça n'empêche pas notre taupe de se montrer de plus en plus alarmiste. C'est ce qu'il confie à Robert Schetzel, le secrétaire d'État américain chargé des affaires atlantiques au cours d'une rencontre à Londres. Que dit-il exactement, alors ? Et question annexe, comment peut-on connaître la teneur exacte de cette conversation ? Oh, c'est très simple. Schetzel, immédiatement après, rédigeait un télégramme destiné à la Maison-Blanche. Un document aujourd'hui déclassifié. Ah oui, c'est pratique ça. Alors le contenu ? Ah ben il est accablant. Selon Monsieur Deux, De Gaulle est devenu si anti-américain que son attitude relève de la phobie. Il a même donné consigne aux ambassadeurs français en Amérique latine de dénoncer la politique états-unienne en République dominicaine. Oui, après le renversement du dictateur Trujillo par les services secrets de Washington. Et le diplomate français déclare qu'à l'initiative de l'Élysée, un anti-américanisme insidieux se développe dans la presse et l'opinion. Et ça va naturellement de pair avec des appréciations beaucoup plus positives de l'URSS. Par conséquent, la Maison-Blanche doit rester ferme vis-à-vis de Paris et se refuser à tout compromis. Tout ça me paraît excessivement grave, parce que de la part d'un diplomate français, ça relève de la trahison. C'est aussi mon sentiment. Manifestement, M. II s'est lancé dans une sorte de campagne anti-gaulliste et compte sur ses amis américains pour l'orchestrer. Désormais, la taupe du Quai d'Orsay alimente ses correspondants d'informations de plus en plus précises. À partir des renseignements qu'il a recueillis, il peut même annoncer que De Gaulle rendra publique sa décision de sortie du commandement intégré de l'OTAN en mars 1966. Donc, après l'élection présidentielle, c'est très précis. En effet. Et M. II, rencontrant Henry Kissinger au début de 1966, lui confirme l'information. Pourtant, De Gaulle semble amorcer une marche arrière. En février, peu de temps avant de tenir une nouvelle conférence de presse, il confie à Charles Bolen, l'ambassadeur états-unien en France, qu'il ne dira rien sur l'OTAN. Ce qu'il fait, effectivement ? À peu près. Il se contente de déclarer que l'Alliance Atlantique doit changer. Mais très progressivement. Et d'ailleurs, affirme-t-il au cours de sa conférence, rien ne presse. Et quoi, ça, c'est un revirement, ça. Que s'est-il passé ? Monsieur Deux doit pouvoir fournir des explications, non ? C'est ce que ses amis américains lui demandent avec insistance. Première hypothèse. Le diplomate, qui ne brille pas par sa modestie, estime que son action souterraine a peut-être fini par produire des effets. Quand on connaît De Gaulle, ça me paraît assez peu probable. De façon un peu plus sérieuse. On peut aussi imaginer que De Gaulle, ébranlé par son improbable ballottage lors du premier tour de l'élection présidentielle, a reculé pour des questions de politique intérieure. Quoi, la crainte de se mettre à dos l'opinion publique encore majoritairement pro-américaine ? Pourquoi pas ? Mais c'est la troisième hypothèse qui me paraît la plus plausible. Le général a décidé de calmer le jeu pour mieux rebondir ensuite. Ah, et prendre les Américains par surprise. Et pour moi, ça signifie qu'il a pris à son propre jeu le manipulateur et qu'il entend à son tour le manipuler. Qui, Monsieur Deux, là ? Oui, je suis à peu près persuadé que l'Élysée a découvert assez tôt l'existence de la taupe du Quai d'Orsay et qu'il s'en est servi pour intoxiquer Washington. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Le journaliste indépendant Vincent Nouzille, comme son confrère Jevert, développe l'affaire de la taupe du Quai d'Orsay dans un ouvrage publié par Fayard. Des secrets si bien gardés, les dossiers de la Maison-Blanche et de la CIA sur la France et ses présidents. Il détaille en particulier la conversation de celui que M. X appelle M. De avec le secrétaire d'État adjoint Robert Schetzel. Et il écrit ensuite. Rentré à Paris, il poursuit sa moisson. Durant ce même mois de mai, l'un de ses contacts à l'Élysée confirme, une fois de plus, que De Gaulle prendra bien des décisions spectaculaires contre l'OTAN, juste après les élections de décembre. La source s'en fait encore l'écho auprès de ses amis de l'ambassade américaine à Paris le 28 mai 1965, avec d'autres documents à la clé. Ainsi, elle montre à Robert McBride une pièce exceptionnelle, la copie d'une lettre remontant 27 avril envoyée par De Gaulle à son premier ministre Georges Pompidou au sujet d'un projet de nouveau bâtiment que l'OTAN veut construire à Roquencourt dans les Yvelines. « Pas question !» donne le président, furieux de n'en avoir pas été informé. Il m'est très difficile de comprendre comment un projet de cette nature pourrait même être envisagé sans que je le sache, écrit De Gaulle à Pompidou. Il va sans dire qu'un tel projet est totalement contraire à la conception que nous nous faisons de nos relations avec l'OTAN pour le présent et plus encore pour l'avenir. Veuillez m'informer par qui et sous quelle autorité nous avons pu donner l'impression que nous acquiescions à un tel projet. Il va sans dire qu'il faut l'arrêter tout de suite. Je voudrais que vous reveniez sur votre dernière assertion là. De Gaulle aurait su qu'il y avait une taupe au Quai d'Orsay. Mais attendez, si c'est vrai, pourquoi votre monsieur II là n'a pas été sanctionné ? Parce que je vous l'ai dit, il était plus malin de se servir de lui. Bon, ne soyez pas étonnés. De Gaulle n'en a pas usé autrement avec celui qu'on avait appelé l'espion de l'Élysée, François Sard de Michel. Ah oui, l'ami de Focard. Là, c'est pourquoi ce dernier a lui-même été soupçonné. Le général a toujours su que Sard de Michel était un agent d'influence soviétique. Mais il n'a jamais ordonné qu'il soit remis entre les mains du contre-espionnage, parce qu'il était utile et pouvait à l'occasion faire passer des messages au maître du Kremlin. Et puis à partir du moment où une taupe est connue, elle n'est plus nuisible. Le général était un personnage très pragmatique. Et il faut ajouter à cela sa méfiance, ou même son mépris, pour toutes ces affaires d'espionnage. Ah oui, les affaires subalternes. Oui, souvenez-vous aussi de sa réaction lorsqu'il a appris que notre ambassadeur à Moscou avait été suborné par de jolies jeunes femmes du KGB. Ah oui, alors de gens en couche. Et De Gaulle s'en était tenu, cette admonestation, aussi bonhomme que Gaillard. Mais revenons à notre dossier. Si au cours de sa conférence de presse, le général n'a pas soufflé sur les braises quelques jours plus tard, M. II alerte ses amis. Le président a pris sa décision. Ce sera la rupture et il dénoncera tous les accords multilatéraux relevant de l'OTAN. Et cela interviendra avant son voyage en URSS prévu au début de l'été 66. De Gaulle montrera ainsi à ses interlocuteurs soviétiques que la France est désormais libre de toute alliance. Oui, ça s'explique assez bien. Et d'après la taupe, tous les textes sont prêts. Reste seulement une inconnue. De quelle façon De Gaulle va-t-il taper du poing sur la table ? Selon une première version, le général aurait choisi la provocation. C'est-à-dire ? Il demanderait à Washington que les troupes alliées stationnées en France passent directement sous commandement français. Les Américains ne pourront pas accepter. Mais dans ce cas, l'initiative de la rupture reviendrait à Washington. L'autre version est plus simple. Dans une lettre envoyée à Lyndon Johnson, le président français se contenterait de demander le départ de ses troupes sous commandement de l'OTAN. Et c'est la solution qui sera préférée. Quoi qu'il en soit, précisément informé par M. II, les États-Unis savent donc à quoi s'attendre. Ah, ils peuvent prendre les devants, alors. Et 5 jours avant le dépôt de la lettre de De Gaulle à la Maison-Blanche, le secrétaire d'État, Dean Rusk, envoie une note à toutes les missions de l'OTAN. Il les prévient. Mais il a sorti son propos de commentaires assez incroyables sur la personnalité du général. Quoi ? Selon Rusk, le président français est un illuminé, un entêté qu'il est impossible de faire changer d'avis avec des arguments raisonnables. Et comme si ça ne suffisait pas, Rusk ajoute que De Gaulle se croit investi d'une mission messianique visant à glorifier la France et son importance. Ouais, bref, si l'on en croit à l'américain, le général est bon pour l'hôpital psychiatrique. Hein. Oh, on n'est pas loin, en effet. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est que cet argumentaire insensé a été développé à partir des informations fournies par la taupe du Quai d'Orsay. Ouais. Ça, c'est plus grave, oui. En tout cas, la décision de sortir du commandement intégré de l'OTAN est donc prise. Hein. En mars 66, oui. Mmh. Mais est-ce que Monsieur II là, va continuer à collaborer avec ses interlocuteurs états-uniens? Oui, oui, car il reste beaucoup de points à régler, à commencer par le départ de ces milliers de soldats américains et canadiens présents sur le sol français. Combien exactement? Il en restait encore à peu près 30 000. Avec les familles, ça faisait plus de 100 000 personnes. C'était un coup dur pour les villes où ils étaient stationnés. Mais il y avait aussi tous ces bâtiments et bases occupés par l'OTAN. Le CHEP, là. Et aussi les instances civiles installées Porte Dauphine à Paris. De Gaulle n'aurait d'ailleurs pas été mécontent que ce Conseil de l'Atlantique Nord demeure en France. Mais pour Washington, il n'en est pas question. Petite vengeance. On peut le penser. Autre point délicat à résoudre, le survol du territoire français par les avions de l'OTAN. Un survol jugé indispensable pour l'entraînement des pilotes. Il y avait aussi l'avenir de l'oléoduc qui traversait la France et alimentait les troupes alliées présentes en Allemagne. Il faudrait également évoquer l'épineuse question des radars de l'OTAN chargés de détecter l'éventuel départ des missiles soviétiques. Des radars situés en Allemagne, hein. Oui, oui. Si de Gaulle veut quitter le commandement intégré de l'OTAN, il n'entend pas être privé pour autant des informations fournies par ce réseau de surveillance. Ah oui. Et tous ces chapitres, alors, font l'objet d'âpres négociations. Et même de véritables marchandages. Or, dans ce domaine, de Gaulle se révèle être un partenaire particulièrement coriace. Ah, il ne lâche pas grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les Américains ont un allié dans la place. Ah ben, la taupe, là. La taupe qui les informe au fur et à mesure et leur indique, par exemple, quels sont les points qui ne sont pas négociables pour le général. Cependant, peu à peu, il est vrai que M. II devient un interlocuteur moins précieux pour ses correspondants états-uniens. D'autant que certaines de ces allégations se révèlent erronées. À quoi, par exemple? Le prétendu tropisme pro-soviétique de Gaulle. Certes, comme prévu, le président français s'est rendu en URSS, où il a été accueilli chaleureusement. Mais ce voyage ne s'est nullement traduit par la concrétisation d'une nouvelle alliance. Bien au contraire. Le général a réaffirmé avec fermeté que la France était ancrée dans le monde occidental. Et qu'elle n'entendait pas rompre avec ses alliés traditionnels, au premier rang desquels se trouvait l'Amérique. On a donc compris à Washington que ce rapprochement annoncé avec l'URSS relevait surtout du fantasme. Et ici, il faut bien dire que là-bas, beaucoup de dirigeants états-uniens étaient loin de partager les opinions tranchées de Dean Rusk sur le général de Gaulle. On peut même affirmer qu'il existait deux camps à Washington. Les faucons et les colombes, pour simplifier. Les faucons, tels Hutchison ou l'ambassadeur Bolen, exigeaient de la Maison-Blanche qu'elle prenne des mesures de rétorsion contre la France. Ou au moins que l'on avertisse Paris qu'en cas de conflit avec l'URSS, le territoire français ne bénéficierait plus du bouclier américain. Ouais, bouclier atomique. Mmh. Et les colombes, alors? Bon, on les trouve chez les conseillers les plus proches du président Johnson. Ces gens-là pensent qu'il est inutile de se battre contre de Gaulle, qui n'a agi dans cette affaire qu'au nom des intérêts de son pays. Et d'ailleurs, il serait peut-être plus sage de l'écouter quand il prévient que la calamiteuse guerre du Vietnam pourrait bien entraîner l'OTAN dans le conflit. Mmh. Et Johnson lui-même, alors, comment se situe-t-il entre ces deux camps? Il a écouté ses conseillers et il en a tiré la leçon suivante. Plutôt que d'attaquer de Gaulle, il fallait bien plus songer à reconstruire l'OTAN sans la France. Et il a conclu par une boutade. Quand quelqu'un vous demande de quitter sa maison, inutile de discuter. Vous prenez votre chapeau et vous sortez. Quoi qu'il en soit, les plus réalistes des conseillers américains ont surtout noté que l'évacuation des bases situées en France se traduirait par des dizaines de millions de dollars d'économies. Alors, venons maintenant à ce que vous m'annonciez au début de cet entretien. L'explication des motivations de M. II. Volontiers. En étudiant ce dossier, j'ai beaucoup pensé à un autre cas que nous avons évoqué ici même. Une autre taupe? Oui, mais qui donnait des informations à l'autre camp, c'est-à-dire à Moscou. Je veux parler de l'affaire Pack, du nom de ce haut fonctionnaire qui travaillait justement dans les services de l'OTAN. Il n'est pas ici question de revenir en détail sur cette affaire. Oui, il faut simplement préciser qu'à l'époque, vous m'aviez dit que Georges Pack n'avait sans doute pas transmis de renseignements essentiels au KGB, hein? C'est juste. Et la vérité, sans doute, que Pâques a été vraisemblablement sacrifié par le KGB pour dissimuler une autre taupe qui exerçait dans les services de l'OTAN. Un Canadien, hein ? Oui, Hugh Hamilton. Mais passons. Non, si j'ai pensé à Pâques, c'est à cause de ses motivations. Il a toujours prétendu, et pourquoi ne pas le croire, que s'il avait trahi, c'était pour préserver la paix dans le monde. C'est-à-dire qu'il estimait que l'équilibre entre les deux supergrandes devait aussi exister au niveau de l'information et de la stratégie. Or, cet homme de paix redoutait par-dessus tout les intentions belliqueuses des Américains et renseignait les Soviétiques et était donc devenu pour lui un devoir. Ouais, bref, à son niveau, c'était un partisan de la coexistence pacifique. Hein. Eh bien, je crois que Monsieur II était une sorte de double inversé de George Pâques. Anticommuniste féroce, il avait décidé, lui, de tout faire pour aider ses amis d'outre-Atlantique. Y compris en trahissant. C'est malheureusement la vérité, oui. Et sans doute a-t-il dû éprouver plus d'une fois des scrupules. Mais en fin de compte, c'était plus fort que lui, tant il était persuadé de la réalité de la menace soviétique. Je trouve que vous lui trouvez bien des excuses. C'est vrai, parce que je ne crois pas que dans notre monde, tout est blanc ou noir. Enfin bon, et j'en aurai terminé. J'ai appris avec un certain amusement que les autorités américaines s'étaient plaintes de fuite au Quai d'Orsay après la publication dans le Canard enchaîné d'une note émanant de leur service. Et j'ai eu l'impression qu'il s'agissait là, 40 ans après, d'une réponse du berger à la bergère. Un dernier mot, je vous ai signalé les deux livres où cette taupe du Quai d'Orsay apparaît en toute lumière. Je rappelle les titres de ces ouvrages. L'Amérique contre De Gaulle de Vincent Jevers au Seuil et Des secrets si bien gardés de Vincent Nouzille chez Fayard. Je vous recommande aussi un troisième document également chez Fayard, La grandeur de Maurice Weiss, une somme sur la politique étrangère du général De Gaulle. À samedi prochain, Valérie Ayestaraï, Rebecca Denante et Monsieur Djoub m'ont aidé à préparer cette émission. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou en fin du verre.